parce qu'on rappe comme personne et qu'on est comme personne. Hein? Dis-moi, tu veux qu'on ressemble à qui à part nous-mêmes? Hein? Allez, go. Laisse passer les phénomènes. Je vais leur faire regretter de m'avoir enlevé mes chaînes. Leur foutre du sale black. Je suis pas un homme, mais une machine de guerre. Je frasse pas le mic, je braque. Personne me mettra la courgette. Srap, c'est grâce à nous que tu sais tenir une fourchette et que tu grimpes plus aux arbres. Bullshit, ils m'ont pris pour un de leurs cobayes. Avec un code barre, un trou de balle. Perspective, réussite, quasi improbable. Profil parfait pour un coupable. Préjugé plutôt que jugé. En France, pays des droits de l'homme seulement. Quand l'homme est doubable, le savoir, une arme redoutable. Et moi, un putain de gros loupard qui essaye remplir son chargeur pour ne pas être à court balle. On nous matraque des Mac ma gloire comme si c'était banal. Mais ce qui différencie ces deux-là, t'es ma claque, c'est le trou par lequel ils se mangent des bananes. J'ai appris à lire entre les lignes et les lettres. Va te faire niquer toi et tes livres. Comme dirait ce rappeur célèbre, tu croyais que t'étais libre. Moi je crois, t'avais oublié que t'étais nègre. T'as la couleur assortie au noir d'une cellule de Tarmi. Wesh, lui des ténèbres. Dossé, Despo, ok, let's go. J'attendrai pas qu'un keuf me tue pour que la France parle de moi. Fuck, Jimmy, let's go. Je sens comme une odeur de traite dans la capitale. Des blocs slim mec, des crêtes, bande de pédale. Quand j'ai sorti ma queue pour baiser le bus, j'ai bien dit que je voulais pas de querelle. Donc fais pas les rares t'attacher, moi. Je veux le passage comme tes règles, ok, hey. N'attends pas que ton sang est coulé sur les draps. Pour m'avouer qu'en vrai t'étais vierge des oreilles. Oulé, y'aura des rats. Prototype 45, prototype 3 9-3, City, 11 équipes. Tu peux quand tu poses, pas un parole de kiss. Tu nous trahis ou te trahis comme sans l'équipe. Prototype 45, prototype 3 9-3, City, 11 équipes. Tu peux quand tu poses, pas un parole de kiss. Tu nous trahis ou te trahis.